t'as voulu me tester, j't'ai devancé. Pourquoi me détester? Moi j't'ai rien fait. Si j'en t'ai pensé, faut m'effacer. Dans ta vie, j'suis rien d'autre que le passé. J'ai pas voulu tester, j't'ai estimé, j'avance tête baissée. J'suis dégoûté, ce qui nous a fait déborder, c'est la goutte. Tu m'as dit pour la vie, mais là où t'es? Ok, y'a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. C'est vrai que la rage m'a volé mon côté nia. Maintenant j'arrive à détecter le vice. Du coup j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'envient. Ils connaissent pas ma vie. J'aimerais que tout redevienne comme avant, mais ça c'est fini. Ah, Mia, depuis l'époque du Mia. Mais ils veulent pas ton cœur et regarde dans tes poches qui y a. Ah, ok, moi j'invente rien, j'parle de nos vies. J'écris le texte, j'suis à la plage, pas loin de David. Faut que maman kiffe sa vie, sur ça j'suis avide. Faut plus jamais qu'à la fin du mois son compte soit vide. Sollicité, j'représente ma ville. J'fais la fierté de maman, donc pas besoin d'amis. Dès le départ, ils m'ont mis sur le déco. Maintenant j'fais des buts, donc ils vont me déco. J'suis devant la mer là, il fait trop beau. Y'a le soleil qui tape fort sur ma popo. Si j'fumais, j'me serais fait un popo. Mais bon, c'est pas popo, en plus c'est pas pompon. J'suis devant la mer là, il fait trop beau. J'dégaine le tel, j'mets l'approche par un impro. Loin des soucis, j'suis loin des blèmes pro. J'profite parce qu'après j'dois reprendre le métro. Dans la vie, j'sais pas trop. Y'a ceux qui m'aiment pas et ceux qui m'y donnent. Leurs raisons, elles sont bidons. Tu veux me la faire à moi, vas-y, reprends le bidon. La précarité, ça te fait goûter le béton. C'est pour ça qu'au quartier, les frérots ont des dents qui tombent. Ils sont hérités, trop la tête dans le guidon. Donc forcément, toute l'année, y'a trop de vaillants qui tombent. Y'a rien d'équitable, moi, je laisse que Dieu me guider. Je descends le soir pour marcher un peu, ça m'aide à me vider. Ça fait mal de grandir sans peur, pour ça, on devrait se faire opérer. Mon cœur aime trop de gens, du coup, j'ai fini par l'enterrer. Tout le monde, je souhaite le bonheur, même si je suis en colère. Même si je suis nia, le cœur est glacé sous le polaire. Même si je suis en colère, même si je suis nia, le cœur est glacé sous le polaire. Sollicité, je représente ma ville. Je fais la fierté de maman, donc pas besoin d'amis. Dès le départ, ils m'ont mis sur le déco. Maintenant, je fais des buts, donc ils vont me déco. Je suis devant la mer là, il fait trop beau. Y'a le soleil qui tape fort sur ma popo. Si je fumais, je me serais fait un popo. Mais bon, c'est pas popo, en plus, c'est pas pompon.